Chapitre 31e, la baleine. Ce soir, dit Paulin Broquet à son lieutenant Gabriel, ce soir nous irons tous les deux faire un tour à la baleine. Depuis quelques jours, Paulin Broquet, que cette expédition tentait, était allé sous divers déguisements rôder aux informations du côté de l'établissement Louche ou Borgne, comme il vous plaira, de la rue Jonas. Il savait maintenant comment s'y présenter sans trop courir le risque d'être reconnu, brûlé par les hôtes spéciaux de ce coupe-gorge. Le débit de vin se trouvait dans la rue Jonas, d'où naturellement la désignation. Je me hâte de dire qu'aujourd'hui le débit a disparu, et que la rue, le quartier même, ont changé absolument d'aspect. Mais au temps où Paulin Broquet s'y rendait, le débit de la baleine se trouvait dans une maison basse, n'ayant que deux étages de trois croisées seulement. La maison était sale, lépreuse, lugubre. Dans bien des quartiers de faubourg, les maisons disent la peine, la souffrance, la vie dure, la misère. Ici, dans cette rue, c'était la paresse, le vice, le crime. La lie de la population du Paris épouvante, quand le quartier Maubert, assaini, percé, bâti en moderne, la repoussa, chercha un refuge plus loin. Elle émigra près des remparts, à la barrière d'Italie, comme l'écume des mares va vers les bords. La façade de la baleine était d'un rouge noir, comme si par un symbole effroyable, un avertissement d'horreur ou une enseigne parlante, on avait voulu lui donner la couleur du sang coagulé. Une porte épaisse, qu'à l'intérieur renforçait deux barres de fer, permettait l'accès de ce débit. Il fallait que la porte fût solide, pour résister aux assauts que lui donnaient à coups de poing, de pied ou de pavé, les clients ivres ou ceux à qui l'on refusait crédit. Deux marches de pierre fendue, usées par les clous des souliers, y menaient. Et l'on se trouvait dans une salle tout en longueur. Des tables de bois et des bancs constituaient le seul matériel. Dans des verres épais, tous ébréchés, se servait l'alcool, le casse-tête terrible, l'épouvantable tourboyau dont on faisait ici une incessante consommation. Les bancs tenant mal, les tables également boiteuses témoignaient des luttes, des batailles qui s'étaient déroulées dans cet antre. Le tout était plus ou moins adroitement raccommodé avec des fils de fer. Les planches portaient des marques nombreuses, quelques-unes illustres. C'est sur ces planches que la trempe des couteaux était essayée, mise à l'épreuve avant d'aller tuer. L'on montrait avec l'auréole la trace des lames d'amis, de poteaux célèbres ayant, eux, fini leur jour sous le couteau sans manche, celui qu'on n'essaye pas, mais qui, comme on le disait à la baleine, ne manque jamais son coup ni le coup. Au mur, les artistes ont peint des portraits d'amis partis pour la gloire de la butte aux Saint-Pierre et surtout lubriques ou de basse obscénité. Quelques chromos, pendant, accrochés à un clou tordu et vantant certains produits de liquoriste. Puis, en place d'honneur, le portrait d'une artiste fort applaudie qui se plaisait à venir chercher dans ce repère infâme l'immonde amant auquel elle demandait un aiguillon nouveau pour ses sens émoussés par toutes les orgies. Au centre se trouvait un comptoir où se tenait un homme, fricard, digne hôtelier d'une pareille clientèle. On le vénérait parce qu'il avait assassiné, parce qu'il connaissait la prison, le bagne. Fricard ne tenait ce débit que depuis peu, depuis la fin de sa relégation. Il succédait à un patron qu'on avait trouvé un matin, le ventre ouvert, dans son débit. C'était un règlement de compte, une éponge sur l'ardoise. Tout près du comptoir, où Fricard trônait, les bras nus, la poitrine débraillée, se trouvait une porte de bois, donnant sur ce qu'on appelait les salons, qui n'était en somme qu'une autre salle comme celle-ci, mais coupée par des cloisons, des murs formant des réduits, meublé avec autant d'élégance et de confort que le débit, et orné de peintures de même valeur et d'inscriptions d'égale moralité. Dans ces salons se réfugiaient, moyennant le supplément d'un sou par verre, ceux qu'on appelait les patates, les membres du cercle des pommes de terre, les high-life de l'endroit, qui, pour des raisons quelconques, ne voulaient pas se trouver dans la cohue, le tapage, les chansons et les batailles de la salle commune, dénommée la fourgue. En argot, la fourgue veut dire à la fois le mélange de tous les individus de la plus basse pègre, les voleurs, les assassins. La fourgue désigne aussi les couloirs des prisons. Et enfin le fourgon, qui va faire la moisson d'hommes et de femmes arrêtés récemment et gardés encore dans les geôles des commissariats de quartier en attendant leur transfert au dépôt. La fourgue est-ce qu'en termes plus relevés, les détenus de marque appellent le panier à salade, les financiers malheureux, la dernière corbeille. Inutile de vouloir décrire ici la clientèle de la fourgue et le contenu du ventre de la baleine de la rue Jonas. Chaque individu avait son type et contribuait suffisamment pour sa part à corser l'ensemble épouvantable de la clientèle infernale de Fricard. Ce soir, des hommes, des femmes, pour dominer le bruit des querelles, des discussions interminables d'ivrognes, hurlait la chanson sentimentale à la mode au coin des rues d'une petite marchande de muguet dont un accordéon et un violon jouaient l'air pleurard. Avec les autres, et chantant aussi faux, d'une voix aussi éraillée, semblant brûlée par l'alcool, deux hommes, que rien vraiment ne distinguait des voisins, se mêlaient à cette cacophonie. L'un était Paulin Broquet, l'autre Gabriel. Ils venaient étudier la nouvelle barbotière et essayaient de pénétrer le secret qui en facilitait l'accès. À leur table s'étaient assis d'autres individus vêtus comme eux en rôdeurs de nuit. Mais l'œil exercé de Paulin Broquet remarqua promptement les détails qui trahissaient un déguisement d'ailleurs admirablement combiné. Sans doute, de leur côté également, deux des consommateurs s'aperçurent-ils que sous leurs vêtements informes, sales et fleurant vice et crime, Paulin Broquet et Gabriel Comeux ne faisaient pas partie de la clientèle même de Fricard. En prenant le verre d'alcool que le maître de la baleine déposa devant eux, nos deux individus firent sur la table le signe cabalistique des aides. Aussitôt, Paulin Broquet fit de même. « À la vie !» murmura l'un des individus. « À la mort !» répondit Paulin Broquet. Désormais, l'union était faite, la confiance accordée. Paulin Broquet, toujours sur ses gardes, se demandait toutefois si ces hommes ne les avaient pas soupçonnés, lui et Gabriel, s'ils n'étaient pas en train de le jouer, de l'attirer dans quelque piège. Il se tint donc en méfiance et écouta plus qu'il ne parla. D'ailleurs, dans tout ce tapage, et comme il fallait aussi chanter avec les autres, la conversation était assez difficile à tenir. Néanmoins, l'individu put faire entendre à Paulin Broquet que les aides, en ce moment, étaient assez divisés et fort mécontents. Naturellement, Paulin Broquet eut tout d'abord l'air de ne pas partager absolument l'avis de son nouvel ami, afin de lui arracher quelques nouveaux arguments et quelques précieux documents. L'individu et son compagnon qui partageait son opinion, un peu excité, semblèrent prendre à cœur de convaincre le détective et son lieutenant. « Attends, lui dit l'individu, attends un peu, tu verras si j'ai raison. Nous verrons. Voilà longtemps qu'on nous promet une assemblée pour règlement de compte, pour distribution de dividendes, pour arrosage. Eh, mais ce soir, ça sera comme toujours, relâche. Peut-être pas. » L'individu et son compagnon haussèrent les épaules. « Alors quoi, tu y crois encore ? » s'écrièrent-ils. « Tu y crois, toi et ton copain, tu y crois, Zigomar ? » ?»« Absolument. » »« T'es fou, quoi ? » ?»« Ou alors t'as touché sans que les autres en sachent rien ?»« Touché ? Non. » fit Paulin Broquet. « Et même, là, je pense comme toi que voilà longtemps que ça manque de braise. » Et comment ? » Paulin Broquet, lui, connaissait admirablement l'argot de la pègre. Il le parlait en véritable refileur de comète. Et eut pu, dans le plus imprévu, le plus infâme groupe de bandits, prononcer un long discours dans cette langue variée, mobile et d'une spéciale saveur, sans que personne se doutât que l'orateur n'était pas impur, un vrai. Mais ces deux partenaires employaient l'argot banal, si j'ose dire, à la portée de tous, dont on vend le dictionnaire sur les boulevards. Argot qui est récité au théâtre comme on croit montrer une scène réaliste, dont se servent les romanciers voulant dépeindre les bouges. Argot pour le public, argot de convention qu'on emploie sans doute dans ces prétendus bouges, qui ne sont que des cabarets attrape-nigauds où les pires assassins qu'on y montre sont de paisibles figurants. Les vrais repères ne sont pas connus, et il n'y a pas de réclame pour y amener les grands-ducs en tournée. Les romanciers voulant facilement se documenter, les dramaturges que le décor facile satisfait. L'argot dont on se sert dans ces antres change tout le temps et ne peut avoir de grammaire. Paulin Broquet vit donc tout de suite à qui il avait affaire, et pour ne pas effaroucher ses nouveaux amis, il parla lui aussi cet argot conventionnel, qui est plutôt le langage du ruisseau, du trottoir, que la langue imagée, pittoresque et pleine de couleurs de la pègre véritable. Pendant que la chanson de la petite marchande de muguet reprenait de plus belle, coupée çà et là de jurons terribles, de hurlements, de coups de bouteille, les quatre amis se parlant à l'oreille poursuivaient leur singulier entretien. « Je t'ai dit, reprit l'individu, que ce soir il y aurait encore relâche. Tu vas voir, l'heure est sonnée et personne n'a bougé. » « Cependant, fit Paulin Broquet à tout hasard, je croyais qu'on devait toucher un peu du collier. » L'individu répliqua. « Ah, le collier, la rivière, l'affaire du cirque. Manqué, mon pauvre vieux, manqué comme toutes les autres. » Et l'homme ajouta, approuvé par son compagnon, « Je te dis que Zigomar n'est plus Zigomar. » Paulin Broquet allait dire quelque chose, mais l'individu lui mit la main sur le bras. « Acré, acré, tiens, voilà justement ces seconds, veille. » Paulin Broquet tourna les yeux vers la porte. Trois hommes venaient d'entrer dans la fourgue. En les apercevant, Paulin Broquet ne put s'empêcher de tressaillir. Il reconnut l'un des gentlemen qui se trouvait dans la loge au Cirque Moderne, le soir où la petite Bretonne avait été tuée, et les deux gentlemen américains de chez Martins. En entrant, ces trois gentilshommes, vêtus eux aussi d'effets sordides, ayant l'aspect d'apache, portèrent d'un geste machinal leur main droite, l'index étendu, les autres doigts fermés sous leur nez. Paulin Broquet vit que la plupart des clients de Fricard faisaient rapidement de même, ses nouveaux amis également, alors lui et Gabriel les imitèrent. Ce geste, en vérité moins apparent que le mouvement du bras droit dessinant un Z sur la poitrine, était assurément le nouveau signe de reconnaissance, de ralliement, des affiliés de Zygomar, du Zygomar dont on se plaignait, qui n'était plus, disaient ces hommes, le vrai Zygomar. Ce doigt, étendu sous le nez, devait, en y accordant un peu de bonne volonté, figurer avec le nez et la ligne des sourcils une façon de Z. Le hasard donc venait encore une fois de bien servir le détective, en lui donnant le mot de passe et le signe des affiliés de Zygomar. Les trois hommes traversèrent la salle du débit emplie de fumée épaisse, âcre, de relents d'alcool, de sueur fétide, et après avoir dit quelques mots à Fricard, ils passèrent par la porte qui donnait sur les salons réservés aux patates. Les deux compagnons de Paulin Broquet s'étaient levés. « Attends-moi, » dit au détective son interlocuteur. « Nous parlerons encore, soit tout de suite, soit après la séance, s'il y en a une. » Ils se dirigèrent aussi vers la porte des salons, et ils sortirent.